Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1983, Jean-Pierre Milovanov déclinait pour Les Nuits Magnétiques une série de 5 émissions sur le thème de l'évasion, un sujet paradoxalement captivant. Car toutes les évasions ont entre elles ceci de commun qu'elles valent toujours la peine d'être racontées. Spectaculaires ou simplement cocasses, héroïques ou anecdotiques, leurs récits retiendront toujours l'attention de l'auditeur, du lecteur ou du spectateur, et même, puisqu'ils sont à leur manière de la partie, celle du flic et du directeur de prison. D'ailleurs, la littérature et le cinéma ne se sont pas privés de peupler leurs histoires de prisonniers creusant leur tunnel vers la liberté et de forçats traçant la route. Pourtant, une fois le mur franchi, une fois le barreau scié, la prosaïque réalité de l'évadé, de l'homme en cavale, est rarement des plus enviables. Dans le premier volet de cette série, David, Jean-Paul, Gérald et Serge racontaient l'inconfortable quotidien de leurs conditions de fugitifs. I'm different, don't care who knows it. Something about me is not the same, yeah. I'm different, that's how it goes. Ain't gonna play your goddamn game. Got a different way of walking. I got a different kind of smile. I got a different way of talking. Drives the women kind of wild. Don't care who knows it. Something about him, it's not the same, yeah. He's different, that's how it goes. He's not gonna play your gosh darn game. I ain't saying I'm better than you are, but maybe I am. I only know that when I look in the mirror, I like the man. Like the man. I'm different, I don't care who knows it. Something about me is not the same, yeah. I'm different, that's how it goes. Ain't gonna play your goddamn game. But I walk down the street in the morning, bluebirds are singing in the tall old tree. They sing a little song for the people. Sing a little song for me. Thanks, fellas. He's different, and you don't care who knows it. Something about him, not the same. He's different, that's how it goes. And he's not gonna play your gosh darn game. He's different, but don't care who knows it. Something about him, not the same, yeah. I'm different, that's how it goes. Ain't gonna play no boss man's game. En Allemagne, j'étais en prison en Allemagne. J'ai rentré en Allemagne depuis, j'ai dû quitter l'Allemagne. De revenir en France, alors j'avais toute ma famille en Allemagne, ma petite fille en Allemagne. Et puis vivre à Paris même, anonymement. Et puis s'il y avait un problème, parce qu'il n'y avait pas d'argent, pas de papier. Alors chaque jour, on changeait d'hôtel. Je quittais le matin sans payer. Et puis ça a duré comme ça à peu près 2 mois. J'ai fait une tentative de suicide. Après la tentative de suicide, j'ai été voir les flics. Ils m'ont traité de malade. Ils m'ont foutu dehors. Et puis, ouf. À l'époque, c'était comme quelque chose de beau. C'est ma petite fille... Je travaillais dans une école alternative, hein. Mon travail et puis le petit village dans lequel j'étais, hein. Bon, les choses négatives, c'est maintenant que je les vois. Mais à l'époque, je ne voyais pas encore les choses négatives, hein. Et puis bon, pour moi, c'était de pouvoir rentrer là-bas le plus vite possible. Mais je savais très bien qu'à la frontière, avec leur système d'ordinateur et puis de policier, que je savais très bien qu'à la frontière, c'était, j'allais être accroché, puis au minimum un an de prison. Hein. Et ça, je voulais l'éviter. Malgré que je l'ai fait après. Malgré que je l'ai fait, parce que je suis rentré. Après la tentative de suicide, et puis d'avoir été à la police à Paris, puis qu'ils m'ont traité de fou, ils m'ont mis dehors. Puis après j'ai craqué, je suis rentré en Allemagne. Et puis ils m'ont, dans le train, effectivement arrêté. Hein, et puis j'ai subi une année de prison. C'est dur. C'est dur. C'est une escroquerie, si tu veux. Il y a eu un problème d'escroquerie, mais c'était pas fait consciemment, si tu veux. Il y avait une escroquerie vis-à-vis de la banque, en pensant que tu allais pouvoir arranger ça avant. Puis ça, c'est pas. Puis en Allemagne, c'est pas comme en France. Tu peux pas le discuter avec eux. Hein, ça va très vite. Et puis en tant qu'étranger en plus. Et en plus, en travaillant dans un mouvement un peu gauchiste, tu sais, dans une école alternative. Hein. Bon, bah, il n'y a pas eu de pardon. On m'a prévenu à temps. J'ai pu passer la frontière. C'est dur. Non, c'est dur à raconter. 2 ans après, c'est dur à raconter, tu sais. Mais ce que moi j'ai envie plutôt de dire, si tu veux, c'est les 400 mois que j'ai pratiquement, c'est ma ville parce que je suis né à Paris, hein, que j'ai passé en cavale dans ma ville, tu sais, tout seul, sans famille, sans rien, cette tentative de suicide. Et puis même quand j'ai été raconter mon histoire aux flics, je leur ai dit la vérité, que j'étais recherché en Allemagne. Ils m'ont rayonné, ils ont téléphoné partout pour voir si j'étais pas recherché. Puis ils m'ont traité de fou, ils m'ont dit que j'étais un malade, je devrais aller voir un docteur, et ils m'ont mis comme ça dans la rue. Hein. Et puis j'ai fait du stop jusqu'à Aix-la-Chapelle. Et puis de là, j'ai passé la frontière, mais à la frontière, on m'a arrêté. La Belle, Médiel Hadj, Jean-Pierre Milovanov. Balade avec Jean-Paul, Gérald, Serge et David. Première histoire en Italie, on m'a foutu en tôle pour une affaire. Et j'y suis resté très peu de temps, j'y suis resté 7 jours. Et j'ai été libéré en liberté provisoire. Je suis rentré en France, j'ai été expulsé, accompagné jusqu'à la frontière. Jean-Paul. Au bout de 5-6 mois, je suis retourné en Italie. Et j'ai vécu en travaillant. Bon, moi, ça faisait déjà 8 ans à l'époque que je vivais en Italie. J'avais tous mes contacts de travail. J'avais un appartement, une petite amie avec laquelle je vivais. Bon, enfin, toute une situation établie, des contacts, des gens enfin, avec lesquels je travaillais. Alors qu'en France, bon, je connaissais personne et je pouvais pas y vivre. Et donc, j'ai repris mon travail là-bas. J'ai recommencé à travailler, à faire des choses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, j'étais sorti le matin pour acheter cigarettes, café, enfin bon, pour moi et pour ma copine. J'ai rencontré dans la rue un copain, un type que je connaissais, repris de justice. J'ai parlé 5 minutes avec lui. Et puis, lui, il était sur une mobylette, il est parti. Et j'ai vu derrière lui démarrer une bagnole de flics. Des flics en civil, sans mettre ni sirène ni rien. Ils sont partis en filature. Bon. Alors, j'ai regardé un peu pour voir où est-ce qu'ils allaient. Bon, je les ai perdus dans la circulation. Puis, bon, j'ai acheté donc mes cigarettes, mes cappuccini. Bon. Je suis ressorti sur le trottoir. Et j'ai vu mon ami qui revenait. Alors, il m'avait demandé auparavant, il s'était arrêté pour me demander si j'avais vu une personne bon, que je n'avais pas vue. Il était parti avec les flics derrière. Et là-dessus, je l'ai vu revenir. Il m'a demandé il m'a fait signe pour me demander si je n'avais toujours pas vu cette personne-là. J'ai dit que non. Puis je lui ai dit, attends un instant. Bon, je voulais lui dire justement, tu sais, derrière toi, j'ai vu les flics partir. Bon. Alors donc, j'ai traversé la rue, j'ai dit, Ducho, j'ai vu derrière toi. Il me fait, ouais, ils m'ont arrêté à 300 mètres d'ici, ils m'ont fouillé, etc. Et de toute façon, bon, j'ai rien sur moi. Les voilà, il fait. Ils nous sont arrivés dans le dos, les mecs sont descendus de la bagnole avec les pistolets, les trucs. Bon. Moi, j'étais tranquille, enfin, avec mes cafés au lait dans la main, mes cigarettes. J'ai filé mes papiers. Ducho, mon copain aussi, bon. Et ils me font à moi, ah, vous êtes français. Je dis oui. Ils me disent, vous avez votre permis de séjour? Je dis non, vous savez, ça fait 3 jours que je suis là pour des contacts de travail. Enfin, je viens d'arriver, je vais aller le faire, mais enfin. Ils me disent, ouais, c'est ça, vous êtes là depuis 3 jours, vous connaissez tous les repris de justice. Je dis, bah, écoutez, il y a 2 ans, vous m'avez mis en tôle. C'est là où j'ai connu cette personne. Bon, et puis ça fait 6 mois qu'on ne se voyait pas, on s'est salué, c'est tout, quoi. Mais ouais, bon, on embarque tout le monde. Ils nous emmènent au commissariat, ils nous fouillent, ils nous foutent à poil. Bon, moi, j'avais, je sais pas, peut-être 2000 lire, enfin, 10 francs sur moi. Et Ducho avait très peu d'argent aussi, enfin, et rien de suspect, quoi, sur nous. Alors donc, on était tranquille, quoi. Au bout d'un moment, les types reviennent. Ah, ils ont tous les deux des précédents pénaux, etc., pour le même genre d'histoire. Je dis, bon, bah, ça se savait, quoi, il n'y a rien de nouveau. Et puis, au bout d'un moment, ils font, Ducho, bon, vous pouvez partir. Et je dis, moi, ah non, non, toi, rentre-moi en France. Je dis, comment ça, il me dit, tu repars en France. Je dis, ah bon, mais je viens d'arriver, c'est pas la peine de m'envoyer, enfin. Et ils me disent, non, non, tu repars en France, on veut pas de gens qui créent des problèmes ici, etc. Bon. Qui m'emmène à la préfecture. On fait la feuille d'expulsion. Ils appellent une escorte pour m'emmener le soir. On en a un là pour 20h30, à 20h30 ce soir. On a besoin de personnes d'escorte. Et puis on me fout dans un... Alors là, j'ai eu de la chance parce que il y avait des travaux. Alors d'habitude, ça se passait... parce que bon, ça m'était déjà arrivé 2 ans auparavant, donc je savais comment ça marchait. Il y avait un grand bureau où il y avait les flics. Et puis, ce bureau donnait sur une petite pièce, une espèce de cellule, dans laquelle on nous enfermait du matin jusqu'au soir quand partait le train. Alors qu'il y avait des travaux dans cette pièce, justement, enfin, ils étaient en train de refaire les bureaux. Et donc, on m'a mis de l'autre côté du couloir, en face de la pièce où étaient les flics, avec 2-3 flics donc, qui étaient là. Alors, ils me prennent mon passeport, ils me font la feuille d'expulsion. Il y avait avec moi une petite fille de 14 ans, une Autrichienne, une fugueuse. Et puis, j'avais pas un rond sur moi, j'avais pas du tout d'argent. Bon, je dis, mais enfin, faites-moi, autorisez-moi à appeler ma copine. Enfin, je vais me faire amener, je sais pas, slip, chaussettes, un peu d'argent. Vous pouvez pas m'envoyer en France comme ça, quoi. Ils disent, bon, d'abord, ils font des difficultés là-dessus, ils me laissent appeler. J'appelle ma copine, je lui dis, bon, amène-moi de l'argent, de quoi partir, parce qu'on me vire. Et bon, arrive 1h de l'après-midi, donc ça faisait déjà 3 heures que j'étais là. Et alors, il y a le changement de personnel, c'est-à-dire que ceux du matin s'en vont et ceux de l'après-midi arrivent. Alors, il y a un moment où il y a beaucoup de monde, beaucoup de flics qui sont là. Et puis, ils font un bordel du diable. Enfin, allez, on va prendre un café, on va prendre un café. Ils s'invitent tous, bon, et ils se barrent tous prendre le café. Ils partent tous en laissant 2 flics de garde dans le bureau en face, de l'autre côté du couloir. Alors au bout d'un moment, moi j'étais là, j'ai vu que tout était calme. Je suis sorti dans le couloir, les flics qui étaient dans le bureau en face me tournaient le dos. Et qu'il y avait la petite fugueuse qui me regardait avec des yeux tout ronds. Alors je suis sorti. Et puis j'ai commencé à marcher le long du couloir, qui fait une trentaine de mètres, en direction des toilettes, quoi. Et puis j'ai vu que personne ne me rappelait. J'ai tourné à gauche, bon, j'ai continué, j'ai traversé tous les bureaux où il y a tous les étrangers, les Éthiopiens, les Somaliens, etc., qui sont là pour demander des permis de travail. J'ai traversé ces bureaux-là où il y a plein de flics. Bon. J'ai descendu les trois étages, toujours très doucement, enfin, parce que pour pas trop taper à l'œil, quand même. Bon, puis j'ai arrivé en bas, il y a un flic dans une guérite, j'ai salué, je suis parti. J'ai descendu la rue. Et puis j'ai tourné l'angle, et puis là j'ai piqué 100 mètres, j'ai plongé dans un taxi, je me suis cassé, quoi. Les trois mois et demi, c'était l'angoisse. C'était l'angoisse constamment. C'était l'angoisse constamment. Je rentre, je rentre pas, je me fous en l'air, je me fous pas en l'air. Pourquoi je reste là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vais retourner? C'était continuellement la remise en question. Hein. David. Et puis quand je suis rentré, c'est parce que j'ai dit bon, c'est mieux un an de éventuellement un an de prison, puis après la tranquillité. Hein. C'était dur, mais je l'ai fait. C'était ça ou re-suicide. Et puis pourquoi faire? Hein. Ça allait mener à quoi? Hein. Puis en plus, quand tu es étranger dans ta propre ville, si tu veux, les seuls contacts que tu pouvais éventuellement prendre, c'est des contacts qui sont dangereux, parce que je ne savais pas qu'à l'époque, si tu veux, en tant que Français, on ne pouvait pas m'estrader. Hein. Ça, je l'ignorais. C'était le plus dur. Et puis en plus, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas tes papiers. Alors en cavale et en situation comme un clochard, pratiquement, hein, c'est ça. Et c'est dur. Et puis il y a toujours le risque de rentrer dans un hôtel le soir, et te faire attraper pour un délit de cruvellerie, tu sais. Et puis, c'est bon, c'est dur. J'ai été assez... Comment je veux dire? J'ai vécu dans le sac un peu familial, tu sais. Et puis, le sac familial, bon, ben, c'est la famille, les cousins, et puis les amis aussi religieux. Hein, et ces gens-là sont en Israël. Puis, je voulais pas les mêler à ça. Hein. Ou des relations j'avais, mais que tu vas laisser des relations, tu vas leur dire je suis en cavale, j'ai pas d'argent, j'ai des flux, je peux pas rentrer en Allemagne, j'ai rien, c'est difficile à dire. Moi je le vis ça encore maintenant, quand j'en parle depuis maintenant quelques années, je le vis encore, si tu veux, tu m'attends au soir dans Paris, tu sais, le métro, sans bus, sans rien, de pas savoir ce que tu veux faire, tu sais, puis t'as envie de refaire une connerie, t'as envie de, je sais pas moi, de casser ou de trouver de l'argent quelque part, mais t'as pas les tripes pour le faire, t'as pas envie de le faire, tu pas le courage, hein. Et puis ça c'était dur, tu sais, du travail tu peux pas en chercher, tu sais, t'as pas de papier. Puis du matin au soir, quitter un hôtel, sans bus, sans rien, de savoir à midi où je vais manger, qu'est-ce que je veux faire, le soir, dans quel hôtel va, ils vont en faire 10 avant que hein, t'acceptes sans que tu payes d'avance. Bon, ça maintenant quand je le raconte, c'est moins grave, mais à l'époque quand je l'ai vécu, si tu veux, c'était difficile, c'était beaucoup plus difficile. Hein. Et pas 3 mois et demi comme ça, et... Maintenant, je comprends mieux mais pourquoi après j'en ai eu marre. Tu sais, une tentative de suicide, j'ai avalé un produit pour nettoyer les vitres. Ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont nettoyé l'estomac, puis deux jours après, ils m'ont mis dehors. Tu sais, alors que j'ai parlé avec le médecin, j'ai raconté mon problème, je leur ai dit la vérité, j'ai parlé de mon problème. Et puis, pour eux, c'était pas important. Thank you. Pour eux, c'était pas important. Vous vous rendez compte? De nouveau, il était assis dans la lumière froide du studio. Ayant répondu à l'appel, il était venu simplement pour nous raconter une histoire toute récente à laquelle, au début, nous ne comprenions rien, Mehdi et moi, mais que nous savions juste et que nous craignions d'interrompre. Car les mots peuvent mentir, et les visages et les gestes, mais la voix qui vient du cœur ne trompe pas. C'est elle qui dit dans la précipitation et la fièvre l'amour qui ne peut être dit, car il est l'amour. Le décor, on le connaît bien, ce sont des hôtels, des trains, même des parkings, certains bars. Justement les lieux qui conviennent à la confusion, à la fuite, aux petits moments de répit où l'on se regarde de biais dans un miroir pâle, en se demandant ce que l'on fera dans un instant, dormir, se jeter par une fenêtre, absorber des médicaments, se rendre au commissariat le plus proche. Mais non, ce n'est plus possible à présent. L'histoire nous prend de vitesse. Une fois lancé dans la course, il n'est plus temps de s'arrêter. Même si l'image que l'on poursuit d'hôtel en hôtel, de nuit en nuit, on l'a laissée derrière soi depuis longtemps, dans un jardin, dans une maison, dans un train, dans un pays appelé ici l'Allemagne. Déjà dans le train, déjà dans ça c'était l'angoisse, hein, parce que de la peur, tu n'as pas de papier, tu te demandes comment tu vas passer la frontière. Bon, ils m'ont je me rappelle plus, c'est la gare du Nord. Jusqu'à la gare du Nord, j'ai été accompagné par un flic civil qui est à la frontière parce que j'ai pas de papier. Alors il y avait justement, normalement je devais descendre du train. Bon, je suis tombé sur un flic civil qui faisait le trajet jusqu'à Paris. Ils m'ont emmené à Paris, à la préfecture, pour voir si j'étais bien français, parce qu'ils avaient peur que j'étais peut-être un émigré qui venait chercher du travail sans papier. Bon, je suis resté 4 heures là, puis après ils m'ont mis dehors. Bon, là, j'ai parlé de rien. J'ai dit j'ai perdu mon papier dans le train entre Paris et Cologne. Et puis là, bon, j'ai essayé de donner 2-3 coups de téléphone, des gens qui pouvaient peut-être m'aider, quoi. Et puis personne. Alors, le premier soir, l'hôtel. Bon, le premier soir, il n'y avait pas de problème. J'avais encore peut-être 200 marques dans ma poche encore. Ça allait encore. J'ai pu habiter l'hôtel. Puis je suis resté 2 jours comme ça. Puis après, il fallait aller ailleurs. Parce qu'il n'y avait plus de quoi. Dans l'hôtel où j'étais, on payait ça la journée. Hein. Et puis bon, ben, ça a duré comme ça à peu près 15 jours. Et puis jusqu'au jour où je suis arrivé à l'hôtel Nico. C'est marrant, mais c'est comme ça. Je suis arrivé à l'hôtel Nico. J'ai oublié un détail. Hein. Avant l'hôtel Nico, je me suis retrouvé à l'hôtel PLM. Et là, j'ai connu un docteur d'Afrique, hein, à qui j'ai raconté sans lui dire que j'étais en cavale, mais en lui disant que je rentrais en France et puis j'avais des petits problèmes. Et lui, changeait d'hôtel à l'hôtel PLM, et m'a invité à l'hôtel Nico pendant une semaine. Là, il m'a livré. Bon, j'ai pu. C'était bien. C'était un répit moral et matériel parce que j'ai pu me reposer, j'ai pu manger, j'ai pu nettoyer mes vêtements. Et puis, dans cet hôtel, j'ai connu des gens. J'ai eu des petites aventures avec une amie, deux amis, parce que c'est assez facile. Et puis, bon, ben, 10 jours après, ça a recommencé. Puis, j'avais plus de chambre à payer. J'ai quitté même l'hôtel. Je leur dois encore une semaine de nourriture. Je peux le dire, ça, non? Je leur dois encore une semaine de nourriture. Et j'ai même, à cause de ça, failli avoir un gros problème le soir même. Parce que pendant ma période-là, cet ami africain m'avait un peu prêter, me donner ou acheter quelques vêtements. Hein. Bon, là, j'avais des petits bagages avec moi. Et j'ai été me présenter dans un... En principe, j'évitais les petits hôtels, parce que les petits hôtels, il faut payer d'avance. Dans les grands hôtels, on téléphone avant. Et puis, le soir, quand tu arrives, ils ne te demandent pas de payer tout de suite, parce que c'est réservé d'avance. Hein. Et là, le soir, j'ai failli avoir un problème dans un hôtel qui se trouve... Je ne veux vraiment pas te dire le nom, du côté de l'Opéra. Et je me suis présenté sous un faux nom, bien sûr. Hein, mais le même faux nom que j'avais donné à l'hôtel Nico. Et là, ils ont appelé les flics. Parce que l'hôtel Nico avait passé un téléx. Je l'ai su après, ça. Dans tous les hôtels 4 étoiles. Hein. Les flics sont venus. Mais je m'en suis bien tiré. Je n'avais pas de papier. Ils m'ont demandé où étaient mes papiers. J'ai dit, mes papiers étaient au consulat. Ils m'ont dit, mais vous êtes français. J'ai dit, non, je ne suis pas français, je suis israélien. Parce que j'ai la double nationalité, de toute façon. J'ai la double nationalité. Et ils m'ont dit, mais quand vous allez payer l'hôtel, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas d'hôtel à payer, je n'ai pas habité encore. Parce que c'est à la réception, on m'avait dit, montez dans votre chambre. Et puis, c'est, peut-être un quart d'heure après, la police est venue. La police est venue, mais je n'avais pratiquement pas habité cet hôtel. Et la police m'a dit, donnez-moi votre nom. Ils ont téléphoné au fichier. Il n'y avait pas personne connu à ce moment-là. Et puis, on me laissait sortir carrément comme ça. Je crois que j'ai eu de la chance. Et puis là, je suis parti, aussi tout près de l'Opéra, dans un autre hôtel, où je suis resté à peu près une semaine. Et là, je suis tombé sur une... J'ai fait connaissance avec une prostituée. Et elle m'a permis de vivre pratiquement presque un mois. Sans que je fasse le macro, hein, loin de là. Sans que je fasse le macro, parce qu'il y a des principes quand même. Hein? Et puis aussi, j'ai connu des gens. On m'a invité en province, en Sologne, à droite à gauche, des clients de l'hôtel. Hein? Bon, là, c'était vraiment la seule période... Comment dire, la plus longue de répit, hein. Ça a duré peut-être un mois et deux jours. Et puis après, ça a recommencé. Alors, totalement, j'ai dû quitter l'hôtel. J'avais plus de bagages, j'avais plus rien. J'avais un manteau sur moi, un pantalon, une seule chemise. Et puis là, j'ai vivoté pendant 15 jours comme ça, d'un hôtel à un autre, en lavant mes sous-vêtements, mes chaussettes le soir avant de dormir pour qu'ils soient secs le matin. Hein. Puis là, j'ai craqué. Deux nuits, je les ai passées dehors, et puis là, j'ai craqué. Puis j'ai trouvé un flacon de... Je ne vais pas dire le nom, c'est un truc pour nettoyer la vessie à base d'ammoniac. Hein. J'ai avalé ça. Je me suis retrouvé à la... Je ne sais pas comment, qui m'a amené là-bas. Je suis incapable de le dire. Je me suis retrouvé à l'hôpital Cochin où deux jours et demi. Ils m'ont nettoyé l'intestin. Là, il y avait un docteur qui est venu parler avec moi. Pourquoi vous avez fait vos tentatives de suicide? Je lui ai dit. Je suis en cavale chez moi, mais je suis en cavale. Et je ne peux pas rentrer en Allemagne. Je n'ai pas d'argent. J'ai aucun... Et il m'a dit, bon, ben, ça, c'est votre problème. Et, signez-moi un papier, une reconnaissance de dette pour les deux jours et demi de clinique. Et puis, je me suis à nouveau retrouvé comme ça, la clinique dehors. Et puis, ça a recommencé. Mais alors là, je n'ai pas eu la chance que j'avais avant, hein, dans les hôtels, de retrouver des gens, n'importe. Et puis, jusqu'au jour où... Le détail, je veux dire, c'est ça. Le matin, quitter l'hôtel à 8 heures, assez tôt pour faire croire qu'on va travailler, comme ça on ne vous demande pas d'addition à payer. Puis le ventre vide, hein, sans déjeuner. Et puis de passer la barrière du métro, puis parce que dans le métro, des fois, l'hiver, il fait chaud. Hein, puis de rester d'aller d'une station à une autre, et puis d'un terminus à un autre pour que le temps y passe. Et puis vers 6 heures, d'essayer un hôtel, deux hôtels, trois hôtels, parce que beaucoup demandent de payer d'avance. Hein. Puis des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Puis ça a duré comme ça les deux derniers mois. Ça m'est arrivé de rester 3-4 jours sans manger, même des fois plus. Mais je peux dire, le problème de nourriture, c'était pas un problème, parce qu'il y a quelque chose qui coince. Même quand on mange, on n'a pas vraiment faim. Hein. Et puis, ben, jusqu'au jour où j'ai fait du stop, jusqu'à la chapelle. Et puis, je me suis mis dans ma tête, j'étais conscient de ce que je faisais, mais je ne pouvais plus tenir. Je ne pouvais plus tenir. J'ai été à la... Oui, avant que je fasse ça, j'ai été voir la... J'étais à la... Palais de justice, c'est pas... Pas la préfecture, mais en dessous du palais de justice, il y a un service de police, là, j'ai été. J'ai dit mon vrai nom. Je leur ai même dit, parce que j'avais presque envie qu'ils me bouclent, pratiquement. Pas en Allemagne, mais j'avais envie qu'ils me bouclent. Je leur ai dit, écoutez, j'ai été dans cet hôtel, pas tous, je leur ai pas dit tous, mais j'ai dit les plus proches. Et puis je suis parti sans payer. Puis je leur ai même donné le nom sur lequel... Le nom que j'avais laissé à l'hôtel, c'est-à-dire un autre nom. Et eux ont téléphoné partout. Et puis après une heure, ils m'ont traité de fou. Ils m'ont pratiquement foutu dehors. J'ai presque reçu le coup de pied au cul pour quitter l'endroit de police. Hein, parce que je ne pouvais plus tenir. Moi, ça aurait été, ce jour-là, je veux dire, j'aurais été heureux de rentrer en prison. Je ne sais pas pourquoi, j'ai atterri dans les chambres correctionnelles. Parce qu'on peut, c'est public, on peut rentrer. Hein. Et là, j'ai vu un avocat qui plaidait. C'est un avocat juif. Je veux dire son nom parce que c'est le seul qui m'a aidé. Et vraiment, il a été chouette. Hein. C'est Koska, il s'appelle. Et j'ai entendu ce type plaider, je ne sais pas pourquoi. Le lendemain, j'ai cherché son numéro de téléphone dans l'annuaire. J'ai été le voir. Et je lui ai raconté j'étais en cavale, mon problème, pas d'argent pour manger. Bon, lui, il pouvait rien faire. Mais il m'a quand même payé une nuit d'hôtel et filé 100 balles pour que je me débrouille. Ça, je voulais le dire. C'est pas pour lui faire la publicité, mais parce que ça, c'est un petit détail que j'ai oublié. Et puis, le lendemain, j'ai décidé de passer la frontière. Et puis là, on m'a attrapé. Puis j'ai fait j'ai pas fait un an, j'ai fait 8 mois de prison. Et après, j'ai pu retravailler, retrouver ma fille. Le décor, on le reconnaît. Ce sont des hôtels, des trains, même des parkings, certains bars. Tous ces lieux qui sont le champ de nos rencontres, le domaine de l'aléa. C'est là que le fugitif essaie de faire le point, de récupérer, de souffler, peut-être de changer de peau, mais à quel prix? Dans un monde froid et brutal, où l'identification sert de repère, tandis que les écrans silencieux coordonnent les éléments d'un esclavage dont aucun siècle n'eut l'idée. La fuite est la seule ressource. Dans le combat contre le temps, combien de temps va-t-on tenir? Très vite, l'un ne supporte plus la cavale et se précipite au-devant des gardiens. L'autre, habitué au changement de rôle, essaie de poursuivre le jeu en doublant la mise. Alors là-dessus, j'ai quand même changé d'appartement, je me suis barré, je suis allé vivre avec des amis, je suis parti ailleurs. Et à ce moment-là, j'avais plus de papier, puisque j'avais laissé mon passeport dans le bureau là-bas. Je parle très bien italien, je parle parfaitement italien, ce qui fait qu'à partir de là, j'ai vécu avec des fausses identités italiennes, mais sans papier. C'est-à-dire, ce qui arrive très souvent dans le centre de Rome, avec le terrorisme, enfin ce genre de trucs-là, ils bloquent très souvent, ils font des barrages. Et quand on me bloquait, alors je donnais un faux nom, en général d'amis, de gens que je connaissais, enfin, puis j'inventais le reste. Et puis ma copine, elle garantissait pour moi avec ses papiers. C'est-à-dire, elle disait, lui, il les a oubliés, mais enfin, bon, voilà, les miens, etc. Et ça faisait une espèce de garantie. Ça a marché pendant 5 fois. Et puis, au bout d'un an et demi, à peu près, ou 2 ans, un beau jour, on nous coince dans la rue. Enfin, alors, on avait fait une connerie, quoi. On avait piqué une voiture, enfin, on avait fait on trimballait des trucs avec nous. Et ce qui fait que c'était déjà plus délicat, enfin, de pouvoir s'en sortir. D'habitude, les autres fois, on n'avait rien sur nous, pas de problème. Bon, là, cette fois-là, c'était mal parti. En plus, ce qu'on a fait, la bêtise en fait que l'on a faite, c'était on s'égarait sous l'appartement d'un magistrat italien. Et il y avait un mec de la police politique qui était en faction dans une voiture à une dizaine de mètres. Le type a vu cette voiture se garer là à toute vitesse. Il a appelé du renfort. Et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 4 voitures de flics autour, les mitraillettes, un déploiement de force incroyable. Quoi, les types qui descendent. Puis ils avaient la trouille, parce qu'ils pensaient qu'on était armés, qu'on était des terroristes. Alors bon, ils nous ont pris les papiers et tout. La voiture ne correspondait pas à quoi que ce soit, enfin, elle était volée. Et ils nous ont embarqués au commissariat. Et moi, j'y suis allé de mon petit refrain. Enfin, je m'appelle Marco Gradozzi, avec un nom italien. Bon, j'habite Rome, je suis né à... Alors là, j'ai eu un peu de... J'avais quelques cartes en main parce que, en fait, ce type dont j'ai donné l'identité, c'est un ami à moi qui était... qui devait me refiler son passeport. Ce qui fait que je connaissais certaines données de son passeport. Je savais comment s'appelait son père, je savais où il habitait, je savais son nom, son prénom. Bon. Ce qui me manquait, par contre, c'était sa date de naissance, j'en étais pas sûr, et le nom de sa mère. Parce que, bon, quand il t'interroge dans un commissariat, il te demande tout ça. Paternité, maternité, etc. Bon. Alors, bon, ils nous ont embarqués au commissariat, et en fait, bon, ils m'ont fait parler beaucoup. Et le type, le commissaire, se rendait compte que j'avais une cadence. J'avais pas un accent, mais j'avais une cadence différente des gens. Bon, j'avais dit que j'étais né et que j'avais vécu à Rome, que j'habitais Rome. Et le type me dit... Enfin, alors ma copine, elle est en dehors de Rome, elle est vers Naples, elle habite vers Naples. Et elle a un accent assez particulier, bon, qui est celui du Sud, justement. Et le flic, c'est-à-dire, bon, ça lui a mis la puce à l'oreille et il pensait que je n'étais pas romain, que j'étais italien, mais que je n'étais pas romain, que j'avais donné une fausse identité parce que je devais avoir une histoire pesante, tu vois, dans le dos, bon, que je voulais planquer, quoi. Alors, ils m'ont foutu dans une pièce, ils ont commencé à me remplir de coups de pied dans tous les coins, quoi. Et puis, il y avait ma copine de l'autre côté dans une autre pièce qui jurait par tous les saints que je m'appelais comme ça, que ça faisait des années qu'on habitait ensemble, qu'elle me connaissait très bien depuis que j'étais tout petit. Enfin bon. Bon, là-dessus, on est partis pour la prison, tous les deux. Et puis, moi, toujours sous mon faux nom, enfin, et Chin, c'est bon, avec le sien. Et puis, je suis arrivé en prison. Alors, il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient parce que c'est une prison qui est dans le centre de Rome, c'est la plus vieille prison de Rome. Et c'est des gens de quartier, bon. Tout le monde se connaît, en plus, à Rome. Et les gens, évidemment, ils m'appelaient par mon nom. Enfin, bon, ils m'appelaient Jean-Paul. Et moi, je disais, non, faut pas m'appeler ça, je m'appelle Marc, quoi. Bon, alors, en fin de compte, on n'arrivait pas à trouver... Parce que, bon, il y avait des gens qui rentraient sans arrêt, qui me connaissaient comme Jean-Paul. Alors, ils continuaient à m'appeler Jean-Paul. Alors, à la fin, j'avais trouvé un système. Je m'étais fait surnommer. Parce qu'en fait, eux, ils disent pas Jean-Paul, ils disent Jean-Paul. Bon. Alors j'avais trouvé un truc, c'était, il me surnommait Shampo, ça veut dire shampoing. Ça sonnait à peu près de la même chose, de la même façon, bon, parce que il fallait quand même se méfier des gardiens, il y a de la délation, bon, comme dans toutes les prisons, il y a des gens qui font le travail d'indic, quoi, enfin. Et puis bon, de toute façon, personne ne donnait, n'aurait misé sur moi, enfin, tout le monde disait. Ils vont le découvrir d'un jour à l'autre parce que ils vont faire des recherches. Enfin, t'as pas de papier avec toi, t'as rien. Ah oui, parce qu'en plus, bon, quand ils m'ont demandé le nom de la mère, donc le nom de ma mère, bon, je savais pas le nom de la mère de ce copain à moi. J'ai donné le nom de la fille de mon avocat, la date de naissance, je la savais pas. J'ai donné la mienne, ma vraie date de naissance, pour être sûr de m'en souvenir. Et bon, c'était pratiquement impossible qu'ils ne s'en rendent pas compte, quoi. Parce que, de toute façon, ils allaient faire des recherches, enfin, un minimum. J'étais rentré sans papier, sans rien. Et puis, bon, les jours passaient. Et puis, un beau jour... Alors, Chin, c'est ma copine, elle est sortie au bout d'un mois. Et en liberté provisoire. Parce qu'en fait, j'avais tout pris sur le dos. Enfin, toute la responsabilité du vol de voiture, etc. Bon, ce qu'on avait. Et donc, elle est sortie très vite. Et puis un beau jour, on est venu me chercher, on a dit « Liberante ». Je me suis retrouvé dehors à 7h30 du soir. Et puis je suis allé dans le centre de Rome. Et à 20h30, donc une heure et demie après que je sois sorti, mon copain Marco Gradozzi, dont j'avais pris le nom, sa mère a reçu un coup de téléphone du commissariat qui nous avait arrêtés, qui lui disait « Bonsoir madame, vous êtes bien madame Gradozzi ?» Elle dit « Oui, vous avez bien un fils qui s'appelle Marco ?» Elle dit « Oui ». Ils lui disent, bon, ben, nous voulions vous avertir que votre fils est en prison. Elle lui dit, ben non, c'est pas possible, il est en train de jouer aux échecs dans la pièce d'à côté. Alors il dit, ah bon, vous pouvez nous le passer au téléphone. Alors il vient au téléphone, il lui dit, vous êtes Marco Gradozzi. Il lui dit, oui, votre date de naissance, c'est ça. Il dit, non. Il dit, votre père s'appelle bien comme ça. Il dit, oui. Il dit, votre mère, elle s'appelle bien comme ça. Non. Alors, ils disent, ah, bon, bah, écoutez, c'est très bien. Alors, demain matin, présentez-vous au commissariat avec vos pièces d'identité. Mais, bon, bah, sachez qu'il y a quelqu'un en prison sous votre identité. Alors, je venais de sortir une heure avant. Alors là, j'ai eu un pot incroyable parce que, enfin, il suffisait que ma liberté provisoire soit acceptée le lendemain, c'est foutu, quoi. Gérald. Le premier jour de ma belle, oui, c'est un souvenir marquant parce que j'étais d'abord dans une île qui est l'île de Ré et c'était au mois d'août, donc déjà sortir par la grande porte alors qu'on savait qu'en principe on n'aurait pas dû sortir et puis prendre le bac alors que tous les gens sont en vacances, oui, j'ai un souvenir absolument extraordinaire. Et je me rappelle, je devais avoir 400 ou 500 francs en poche, et je crois que j'ai pratiquement tout dépensé dans un restaurant le soir pour manger des fruits de mer, hein, ce qui sortait du classique, purée de pois ou haricots qu'on mangeait tous les jours. Hein. C'est mon premier souvenir. Et puis je suis remonté sur Paris. Enfin, j'avais quand même gardé de quoi prendre le train. Hein. Je suis remonté sur Paris et il me restait quelques amis qui, heureusement, n'étaient pas en vacances et qui ont été formidables, qui m'ont pris immédiatement en main, qui m'ont planqué, qui m'ont fourni de l'argent, des vêtements. Parce qu'on n'a rien, hein, quand on sort. On n'a rien. Et puis, c'était quand même dans des périodes où la délinquance avait un assez gros dos. Et c'est vrai qu'on s'en était servi et qu'on s'en sert toujours pour justifier un déploiement policier très très important. Et quand je suis sorti, c'est ce qui m'a le plus sidéré. C'était vraiment le gros point. C'était de retrouver très vite une identité qui n'était pas la mienne parce que on pouvait pas voyager ni dans le métro, ni dans la rue sans être en permanence contrôlé. Je crois que c'était les fameuses opérations coup de poing de Poniatowski. Et c'est vrai que c'est ce qui était le plus dur à ce moment-là. Bon, la situation a un petit peu changé aujourd'hui, je ne sais pas si elle serait identique, mais c'était le premier souci, c'était de trouver des papiers, tant pour conduire que pour vivre. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voulez un loyer, il faut des papiers d'identité, vous voulez ouvrir un compte en banque, il faut des papiers d'identité. Donc, retrouver une identité, je crois, est la chose primordiale lorsqu'on est en cavale. Et j'ai pu travailler avec une fausse identité, oui, ça n'a... En fait, il suffisait de bien organiser le truc, c'est-à-dire de prendre une fausse identité, mais qui est une identité qui existe. Donc, ça n'est pas quelqu'un qu'il fallait créer de toutes pièces, c'était quelqu'un qui existait. Et donc, deux personnes ont travaillé pendant 3 ans avec exactement la même identité, sans que ça pose le moindre problème, ni aux organismes sociaux, ni à la sécurité sociale, ni à rien. Je crois qu'il faut jouer beaucoup sur ces grosses administrations qui sont tellement lourdes que... Bon, c'était un coup de poker à tenter, il a très bien réussi. Et donc j'ai travaillé dans une boîte du bâtiment. Et je sais que le gars était à la RATP. Et ça n'a posé, non, aucun problème pour travailler, non. Une fois que je me suis retrouvé en liberté, bon, que l'identité avait été s'était révélée fausse, bon, ça devenait lourd pour moi à porter bon ce nom-là parce que je pouvais plus utiliser cette fausse identité, je pouvais pas utiliser mon identité non plus, et en même temps, bon, j'étais connu par les flics du quartier, et en fait, j'ai duré deux mois après parce que je pouvais pas non plus m'en aller d'Italie parce que j'étais en train de travailler, je faisais des trucs, bon, je pouvais pas repartir, et pendant 2 mois ensuite. J'ai vécu bon, en essayant de me faire le moins voir possible que possible dans la rue ou à certaines heures dans certains endroits. Et puis un beau jour, j'étais dans un bar avec ma copine. J'étais dans un bar, je suis sorti du bar, je suis tombé sur les flics qui m'avaient arrêté auparavant. Alors les types, ils m'ont vu, ils ont bondi en dehors de la voiture avec les flingues et tout, et ils m'ont braqué, et ils m'ont dit « Comment tu t'appelles, toi ?» On te reproche par la suite, quand tu passes en jugement, non seulement ton évasion, mais le fait que tu aies commis d'autres délits. Et là, il faut bien comprendre que si tu commets d'autres délits, c'est parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as plus de papier. Tu ne peux plus avoir que de faux papiers. Et tu es dans une situation, si tu veux, matérielle. Serge. Tu ne peux plus retourner chez toi. Tu penses que c'est l'endroit où les flics vont en premier. Tu es donc dans une situation matérielle catastrophique, d'une part. D'autre part, tu ne peux plus travailler normalement. Même si tu disais, bon, ça m'a servi de leçon, j'ai peur. J'arrête tout, je vais travailler normalement. Tu peux pas. C'est pas possible. Donc tu te trouves... Là, c'est l'engrenage véritable. Tu te retrouves dans l'obligation de faire le voyou, c'est-à-dire de gagner ta vie par des expédients, quels qu'ils soient. Donc moi, c'était les cambriolages. Donc je me suis retrouvé à Marseille avec de faux papiers, et je me suis mis à faire des cambriolages. Alors j'ai cambriolé, j'ai fait un coffre, j'ai fait des pharmacies, enfin j'ai fait des trucs qui me rapportaient du fric pour survivre. Pendant 6 mois, je n'ai fait que voler. Alors là, je fréquente le milieu, j'ai failli devenir maquereau, j'étais pas du tout dans ma nature de l'être, je l'ai pas été. Tu sais, quand tu as 20 ans, que tu bénéficies d'une certaine auréole, évadé, etc., j'avais eu ma photo dans le journal, donc ça faisait un peu, tu vois, ça faisait bien, quoi. Alors ça faisait bien dans le milieu. Et j'avais des filles qui me tournaient autour. J'ai jamais été maquereau quand même pour autant. Et puis j'ai tenu 6 mois le pavé. En fait, c'est très dur de tenir plus longtemps. Surtout quand tu vis toujours ce milieu-là. Moi, j'avais pas de fortune, j'avais pas d'argent. J'étais jeune, j'avais 21 ans et demi. Tu sais, tenir plus de 6 mois, c'est vraiment une gageure. C'est quasiment impossible. Et puis un jour, de toute façon, j'ai été balancé en plus. Dans ce milieu-là, il faut bien dire qu'il y a beaucoup de gens qui dénoncent. Et il y en a beaucoup qui ne dénoncent pas aussi. Mais enfin, j'étais mal armé, moi, en ce qui me concerne, pour faire le tri, déjà. J'avais pas assez d'expérience. Alors, j'avais des faux papiers, j'avais pas les papiers que j'avais voulu. J'avais des faux papiers, j'étais né à Pfaffenhoffen, dans le Bas-Rhin. Tu entends, avec mon accent, je l'ai perdu maintenant. Mais enfin, je sais pas si tu vois un peu l'anecdote de l'arrestation, ce que ça peut donner. Donc, un jour, je me promène dans les rues de Marseille, cours Belzunce. Et je vois une main qui se pose sur moi, enfin je vois pas, je la sens, c'est deux flics. Enfin sur le coup, je vois tout de suite que c'est des flics, ça se sent, c'est pas, ça se devine, c'est assez vite fait de comprendre. Je me dis, bon, j'ai des faux papiers, je vais pas... Mais je sais pas que je suis balancé encore. Alors, il arrive, il me dit, vous avez vos papiers? Je dis, oui, j'ai mes papiers, j'ai mes papiers, il regarde, il compare. Alors il me les prend et il m'interroge sur mon nom, ma date de naissance et le lieu. Parce que c'est le seul moyen pour lui de savoir si c'est vrai, si je n'allais pas prendre mes papiers, lui réciter mes papiers, il fallait que je les ai appris par cœur. Alors je lui décline mon nom, mon identité, mon adresse, et l'endroit où je suis né. Et vous êtes né où? Alors je lui dis, à Pfaffenhoffen, dans le Bas-Rhin. À comment? Il me dit, à Pfaffenhoffen, dans le Bas-Rhin. Il me dit, vous avez un drôle d'accent pour être né dans le Bas-Rhin. Alors je lui dis, mais j'ai toujours habité Marseille. J'ai toujours habité le Midi, c'est pour ça que j'ai plus l'accent d'Alsace. Il me dit, mais ça fait rien, on va vérifier ça au commissariat. Et il m'a amené à l'évêché, le commissariat central de Marseille. Là, j'ai pas tenu le pavé bien longtemps, évidemment, parce que les papiers, c'était des papiers volés, qui avaient été signalés comme volés, sur lesquels on avait apposé ma photo d'identité. Et donc, j'ai été arrêté de nouveau à Marseille, ce qui m'a valu d'être condamné. Alors, comme je l'avais escompté, ça n'a pas changé beaucoup, il n'y a rien qui a changé pour ça. Ils ont essayé de me faire pleurer un peu sur le fait qu'en m'étant évadé, j'avais compromis la carrière du flic qui m'avait laissé partir. Je pouvais pas pleurer quand même. Et puis ils m'ont collé 3 ans de prison, plus mes 2 ans avec sursis, j'ai fait les 5 ans que j'avais escompté que je ferais. The children are leaving school today. me back Monday. The blue man in uniform smiled and waved goodbye. She was hiding those tears in her eyes. Roll up the history books, burn up the chairs, set fire to anything, set fire to the air. A writing to begin and running at the end. 'Cause Mama said you take your life in your hand. Taking your life in your hands. But don't take your life in your hands like I did. I don't feel so bad, and always look forward with hope. Forward and hope that the children will always be there. Jean-Paul, Gérald, Serge et David, sous quatre noms, quatre histoires très différentes, où reviennent pourtant les mêmes images, les mêmes situations, les mêmes mots. Faux papier, évasion, fuite, double identité, engrenage. C'est encore ici le temps des contraintes, des masques, des illusions laissées en chemin, de l'apprentissage et de l'angoisse. Thank you. j'ai appris beaucoup, si tu veux, dans ce milieu-là. Hein. J'ai appris beaucoup. Hein. Et que si on a un peu de kilo, je veux dire aussi, si on a un peu de kilo, je m'en suis aperçu après, mais moi, j'ai pas eu le... Ou peut-être j'y ai pas pensé. Peut-être c'est les principes qui bloquent, ou je sais pas, le courage qui m'a manqué, mais ceux-là qui se débrouillent bien, hein, dans ce système-là, en habitant les grandes hôtels, on peut très bien vivre avec rien. Mais il faut avoir les tripes pour ça, puis je les avais pas. Moi, je suis rentré, c'est ma fille qui me manquait. Maintenant, elle a 8 ans. À l'époque, elle avait 6 ans. Hein, Rachel, je l'appelais Rachel, parce que ma fille, c'est possessif. Hein, pour elle, et puis pour mon ami aussi, puis aussi pouvoir retravailler avec ses petits, les enfants, je peux pas dire émigrés, mais c'est les enfants d'émigrés, hein, pour pouvoir recommencer, retrouver les copains, puis donner des cours de dessin avec les enfants. Puis cet événement, j'étais bien dans ma peau là-bas, et puis j'ai voulu re-être bien encore une fois, si tu veux, c'est ça qui est important, hein. Bon, il a fallu, comme j'ai dit, ils m'ont arrêté à la frontière, malgré l'intervention de mon ami et d'autres personnes. Ils m'ont gardé au lieu d'un an. 6 mois et demi, je suis resté. Ils m'ont transféré sur Munich. C'est déjà 800 km de... Je sais pas des bêtises, 600 km de Cologne, d'où étaient ma famille et mes amis. Bon, après 6 mois et demi passé à la prison de Munich, je suis rentré à Bergisch-Gladbach, exactement. C'est la banlieue de Cologne. Hein. J'ai recommencé à m'occuper de... Bien sûr, de ma fille en premier, hein, puis de me reposer un petit peu. Et puis, de refaire ce que je faisais avant. Mais c'était pas ça. C'était pas ça. J'étais bien, mais c'était pas ça. Je n'arrive pas à l'expliquer. C'est pour ça que je n'arrive pas à l'expliquer. Mais c'est... Il y avait toujours cette boule, si tu veux. Tu sais que j'ai eu pendant le cavalier. Il y avait toujours cette boule, tu sais. Puis la peur que ce que j'avais retrouvé, ça va repartir... Puis je dois dire aussi que c'est la première fois, l'histoire de Munich, c'était la première fois que j'ai été en prison de ma vie, puis ça m'a marqué assez, c'était dur, surtout avec les Allemands, hein, ça doit dire aussi. Mais pas, quand je dis surtout avec les Allemands, je parle maintenant de la prison à l'intérieur, avec les autres détenus. Parce que j'ai toujours pensé, en prison, il y a une solidarité, il y a une sympathie, hein. Bon, la France, je ne connais pas la prison en France, mais là-bas, c'est le contraire. Si tu veux un timbre, si tu veux une cigarette, il faut vendre ta montre, il faut vendre tes choses de valeur, parce qu'on ne donne pas. Des choses comme ça, déjà, ça frappe. Bon, la religion aussi, ça je m'en suis vraiment aperçu. Hein. Vis-à-vis, je ne parle pas maintenant des gardiens, je parle des autres détenus. Hein. Je ne m'appelais pas David, je m'appelais Youd. Ça, c'est vrai, le Youd ou le Youpin. Et quand je me dispute avec quelqu'un, Hitler était oublié pendant la guerre, et des choses comme ça, on va rouvrir des chambres à gaz, et constamment, tous les jours, des choses comme ça. Bon, ça, c'était déjà dur. Vis-à-vis de la justice, c'était un peu la même chose. Et puis, bon, ben... Ça, ces choses-là, ça m'est resté à ma sortie. Ça m'est resté à ma sortie. Et puis, bon, pendant 8 mois, j'ai essayé de me rétablir avec ma petite fille. Bon, je m'occupais d'elle, je m'occupais des autres enfants. Et puis, jusqu'au jour où il m'est arrivé encore une nouvelle histoire, c'est-à-dire rentrer le soir à la maison, hein, et puis trouver la maison vide. Je raconte ça ou... Trouver la maison vide, hein. Bon, là, c'était le choc. C'était le choc. Quand t'as pas de dispute avec personne... tout va à peu près bien, je dis bien à peu près bien. Puis tu rentres comme ça, tu quittes une personne le matin, tu vas chercher le midi, ta fille à l'école, il n'y est plus. Bon, ben les coups de téléphone anonymes. Ça, je ne sais pas si j'ai envie d'en parler, je ne sais pas si j'ai envie de donner des détails là-dessus, je ne sais pas si c'est important. Oui, on a réussi, enfin, j'ai plus exactement les... On a réussi, tu ne mérites pas d'être avec une Allemande, retourne d'où tu viens, et puis encore les paroles aussi antisémites, hein. Bon, ben, il fut un moment où je répondais plus au téléphone, hein, et puis ça a duré comme ça, je crois, une partie de la soirée, et puis bon, ben, moi, je comprenais pas, si tu veux, et puis là, c'est ma cavale qui m'est revenue en tête, ma cavale à Paris, pratiquement, ma cavale chez moi, hein, c'est, je ris quand je dis ça, mais, tu sais, tout revenait, tu sais, les moments où j'étais toute la journée à penser, qu'est-ce que je vais faire le soir, à traîner dans le métro, habiter dans les hôtels. Ça m'est revenu. Puis après, le moment de ma décision, c'est de rentrer en Allemagne. Et puis aussi, en même temps, mon séjour en prison à Munich. J'ai dit, pourquoi tout ça? Et puis là, j'ai attrapé, je crois. C'est le lendemain matin, j'ai attrapé un flacon de Sidoline. Ben, c'était aussi, par hasard, tu sais, c'est la même chose que j'avais fait à Paris aussi, mais c'était une autre marque, hein, un produit pour nettoyer la vaisselle, les carreaux, et puis j'ai avalé ça. Là, j'étais vraiment déterminé ce coup-ci, tu sais, j'étais vraiment déterminé. J'étais conscient de... On ne peut pas dire que c'était du désespoir, j'étais un peu conscient de ce que je faisais, tu sais. Et puis bon, là, j'ai eu la chance. Aujourd'hui, je le dis, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, il y a un voisin qui... Quand j'étais au rez-de-chaussée, qui m'a ramassé. Pas dans le coma, mais presque. Et eux m'ont emmené à la clinique de Cologne. Bon, relavage d'estomac. Je dois dire qu'avant le lavage d'estomac, ce qui m'a fait mal, c'est qu'on m'a demandé... On m'a donné des claques pour me réveiller. Et pour me demander mon nom, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale, qui allait payer la note. Avant qu'ils me soignent, qu'ils me fassent n'importe quoi. Hein. Bon, mais après, on m'a emmené en... Quand je ne pouvais pas leur répondre, les voisins ont répondu une partie pour moi. Et ils m'ont emmené en ce qu'ils appellent l'intensive station chez eux. Et puis, ils m'ont nettoyé. Reparlote avec un docteur. Pourquoi vous avez fait ça? Je lui ai expliqué. Et pratiquement le lendemain matin... On m'a dit, vous rentrez chez vous. Je suis rentré chez moi, remaison vide, question, le téléphone, le propriétaire de l'appart qui nous louait l'appartement est venu. Vous et votre ami et votre enfant, ça va, mais vous tout seul, je ne peux pas vous garder. Recoup de téléphone, et puis retentative de suicide. Et là, je suis resté à peu près, je ne sais pas. 11 ou 12 jours, je ne peux pas dire, c'est 11 ou 12 jours, je suis retourné, on m'a ramené à la clinique. Et là, quand j'ai sorti de la clinique, il a fallu, j'avais des problèmes déjà, parce qu'ils ne voulaient pas me laisser sortir sans donner une garantie pour payer, mais quelle garantie je vais leur donner? Je suis retourné à la maison, et il me restait, et là, il a fallu quitter la maison, et je suis parti sur la route. Je suis parti sur la route, et je me suis retrouvé à Baden-Baden, espérant trouver du travail là-bas et de l'aide. Là, c'était déjà plus facile parce que j'avais mes papiers avec moi par rapport à Paris. Et puis, j'avais personne derrière moi qui me cherchait. Hein, à part la note de la clinique, j'avais personne derrière moi qui me cherchait. Hein. Bon, Baden-Baden, consulat, parce qu'il y a les forces françaises en Allemagne là-bas. Bon, j'ai pensé, je peux trouver un job là-bas. Bon, bah, partout où j'ai été, on m'a fermé la porte au nez. Avant de quitter Cologne, j'ai aussi été voir le rabbin. Hein. J'ai été voir mon rabbin aussi. On m'a dit que c'était pas bien de vivre avec les goy. Hein. Je crois que les goy, vous savez ce que c'est. C'était pas bien vivre avec les goy. On m'a donné 50 marques et on m'a dit bonne chance. Et puis, bon, bah, Baden-Baden, rien du tout. J'ai habité à l'hôtel aussi, encore une fois, à Baden-Baden, mais dans des autres circonstances. Là, en pensant à payer le consulat a téléphoné à l'hôtel, s'est arrangé pour me faire faire un papier que je pouvais quitter l'hôtel et puis les payer après. Le lendemain, le consulat m'a appelé, m'a dit « On va payer l'hôtel pour vous, et quand vous rentrez en France, vous payez, autrement vous aurez une contrainte pas corps. » J'ai fait du stop jusqu'à Karlsruhe. Je me suis retrouvé dans un hôtel, encore une fois. Ça a duré pendant, je crois, 2 jours et demi. Pendant ces 2 jours et demi, j'ai passé mon temps à chercher du travail à droite à gauche. J'ai pas trouvé de travail. J'ai été voir la police pour leur dire que je voulais quitter l'Allemagne, mais que j'habitais à l'hôtel et j'avais pas de quoi payer. Et puis en guise de réponse, ce coup-ci, c'est pas comme en France, on m'a pas mis dehors. On m'a amené au trou. Hein, on m'a amené à la prison de Karlsruhe. Au grévellerie. Alors pratiquement, si tu veux, d'après la loi, il n'y a pas de grévellerie. Parce que j'avais encore mes affaires, j'avais des bagages, j'avais mes bagages à l'hôtel. Et j'avais pas quitté l'hôtel sans... Si tu veux, j'ai quitté l'hôtel le jour même, j'ai été voir la police. Le même jour même, j'étais à la police. Mais pour eux, c'est... Je suis rentré dans l'hôtel sans argent, donc intention de quitter sans payer. Bon, ils m'ont mis 8 jours. Bon, moi, je pensais pas rester plus de 8 jours. Bon, déjà, j'ai des problèmes pour pouvoir correspondre avec un avocat. 8 jours après mon incarcération, la note de la clinique de Cologne est arrivée. La première chose que j'ai fait aussi, c'est toujours, je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est toujours, ça vient spontanément, contact avec la communauté juive de la ville de Karlsruhe. Hein. Bon, redéception, là ils ne me connaissaient pas. À Cologne, ils me connaissaient, ils ont fait une petite chose pour moi. Hein, et puis, bon, mais là, ils ne voulaient pas venir me voir. Par l'intermédiaire des gardiens qui ont téléphoné là-bas, on ne le connaît pas. Il n'a qu'à prier, puis demander pardon, bon Dieu, voilà la réponse. Et puis, demande d'avocat, bien sûr, refusé. Bon, j'ai eu un premier jugement avant 3 mois, c'est ce que j'expliquais, parce qu'en Allemagne, c'est comme ça que ça se passe. Si tu es jugé avant 3 mois, on ne donne pas, on te refuse un avocat. Je pensais qu'ils allaient, quand j'allais m'expliquer, pouvoir m'expliquer avec un avocat ce qui s'était passé Hein? Mon suicide, que mon ami était parti, qu'il me retrouvait à la rue, je pensais qu'on allait me laisser sortir. Et là, je comptais rentrer en France. Et ayant des papiers ce coup-ci, pouvoir me débrouiller tout seul. Et puis moi, ce qui m'intéressait, si tu veux avant tout, c'était d'avoir des nouvelles de ma fille. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le problème qui me tient le plus. Hein. C'était d'avoir des... Puis pour moi, d'avoir des nouvelles de ma fille, ça allait, si tu veux, c'était l'ouverture à beaucoup de choses, si tu veux. Ça allait éviter des problèmes, ça allait me donner le courage à reprendre pied, à m'en sortir. Hein. Bon, ben, ça s'est pas passé comme ça. Hein, je suis resté plus de 19 mois en prison. Et on m'a travaillé de prison en prison. Bon, d'abord Karlsruhe, après Steinheim. À Steinheim, j'ai fait une grève de la faim parce qu'on m'avait marqué mon Jude sur la porte. Je crois que c'est important. Parce que ça... Et puis après, j'ai eu Rothenburg, une autre prison Rothenburg. Et puis d'après, il y a eu un article sur mon affaire qui est paru en France. Pas de nouvelles de personne. Un deuxième article. Et là, j'ai commencé à recevoir une correspondance assez, assez grande. Des gens qui avaient lu mon article dans l'IB et qui m'écrivaient. Certains m'envoyaient de l'argent, des bouquins aussi. Et puis, là, ça m'a fait prendre conscience, si tu veux. J'ai dit, je suis pas tout seul. Et puis, un dialogue. J'étais plus tout seul. C'était plus la rue. Je voyais plus la rue quand j'allais sortir. Hein. J'avais plus envie de me suicider. Bah, j'avais quelqu'un. Je sais pas comment expliquer ça, c'est dur. Et puis, je me suis mis à répondre à ces gens-là. Et puis, j'ai toujours refusé mon expulsion parce que je voulais pas qu'on m'expulse, qu'on me garde 19 mois en prison pour une grivellerie et puis pour une note de clinique. Hein. Et puis qu'on me jette comme ça, comme à la frontière. Ça, j'ai toujours refusé. Alors qu'on m'avait posé ça en condition. Tu acceptes l'expulsion, tu sors tout de suite. Et puis quand j'ai vu que j'étais pas tout seul, j'avais des gens qui m'attendaient à Paris. Si tu veux, j'avais l'espoir. Et puis là, j'ai demandé mon expulsion. Mais toujours avec l'angoisse, ça, je dois le dire. Toujours avec l'angoisse de peut-être ces gens qui m'ont écrit, je veux retrouver personne à Paris. Et puis ça va recommencer comme avant. Encore une fois, les hôtels. Je me retrouvais à la rue. Hein. Et ça, c'est important parce que j'ai souffert avant de prendre une décision, de demander l'expulsion. Mais quand il y avait ce développement, toujours, ces lettres que je recevais, je répondais. On m'a proposé de m'héberger, on m'a proposé du travail. Et puis ça, c'est important. Puis là, j'ai tout fait, mais très vite. Là, j'ai tapé tous les jours à ma porte de la cellule pour qu'on m'appelle le consulat, qu'on téléphone à mon consulat plus vite, que je voulais quitter l'Allemagne, j'étais prêt à quitter l'Allemagne. Puis là, il y a eu le problème, c'est qu'ils voulaient m'expulser, mais ils ne trouvaient plus mes papiers. Alors, on ne pouvait pas m'expulser d'Allemagne sans papiers, parce qu'éventuellement, c'est le type de la police des étrangers qui disait ça, que la police française à la frontière n'allait pas me prendre, parce qu'il fallait que je prouve que je sois français. Alors, je leur ai expliqué que mes papiers se trouvaient dans le dossier du tribunal. À Karlsruhe, ils m'avaient jugé. Ils ont écrit soi-disant au tribunal. Le tribunal a dit que mes papiers n'y étaient pas. Et alors j'ai commencé à refaire une grève de la faim, ce coup-ci pour quitter l'Allemagne. Re-article dans le journal, il y a eu à peu près 100 personnes qui ont écrit au juge pour dire qu'il fallait qu'ils me libèrent, enfin des gens de l'extérieur, hein, d'après l'article du journal. Parce que j'ai dit, tant que je ne serai pas expulsé, je ne mange pas. Le juge est venu à la prison, on m'a amené sur une civière dans le bureau du juge, parce que monsieur ne voulait pas monter dans la cellule, et il m'a donné les lettres qu'il avait reçues, mais sans les ouvrir, c'est-à-dire les lettres de soutien que les gens envoyaient dans son bureau. Hein. Et à peu près 2 jours après, j'ai eu la visite du consulat, qui lui m'a promis, il m'a dit d'arrêter de faire ma grève de la faim, et que j'allais quitter l'Allemagne dans quelques jours. Et puis ça s'est passé comme ça. La police m'a emmené de Karlsruhe à la frontière, il y a 45 kilomètres. Pour faire ces 45 km, j'ai mis 3 jours. Avec un fourgon cellulaire, parce qu'il faut que ce fourgon cellulaire, ils ont des trajets qui sont tout faits. Hein. Il a fallu redescendre jusqu'à la ville de Freiburg. Et de Freiburg, on m'a emmené à la frontière, dans le fourgon cellulaire. Et on m'a remis à la police française. Là, j'ai dû rester presque une demi-journée. D'abord, la police fallait que je prouve que je sois français. Où étaient mes papiers, si je n'étais pas déjà condamné en France. Et puis après une demi-journée, on m'a reconduit jusqu'au centre de Strasbourg. Et à Strasbourg, j'ai été voir un avocat. Lui m'a prêté une somme d'argent pour que je puisse dormir le soir et puis venir jusqu'à Paris. À Paris, je suis arrivé chez des gens et j'ai repris contact, par hasard, je veux dire, et puis par chance aussi, avec des membres de ma famille qui sont rentrés en France. Hein. Et depuis, j'habite chez eux en banlieue, je cherche du travail. Et puis, je ne sais pas si ça vient de tout ce qui s'est passé. Mais je dors mal. Hein, c'est-à-dire, je lis beaucoup parce que ça me fatigue, hein, ça me fatigue. Ça, je lis, mais je dors une heure, puis chaque matin je me réveille, je crois qu'il est 7 heures alors qu'il est 2 heures du matin, qu'il est 3 heures du matin. Et ça constamment, ça constamment. Ça constamment depuis, je ne sais pas si d'où ça vient, et puis il y a ma fille qui me manque aussi, ça horriblement. Puis ironie du sort, les seules nouvelles que j'ai de ma fille, ça je voulais le dire, d'elle j'ai pas de nouvelles, mais l'administration allemande m'a envoyé un papier en me demandant de payer une pension alimentaire pour ma fille, avec des arriérés. C'est la seule... J'ai répondu en demandant que, éventuellement, je pourrais peut-être payer quelque chose, mais je voudrais avoir des nouvelles de ma fille. On m'a répondu hein, qu'il fallait que je paye, après on me donnerait des nouvelles de ma fille. Je sais pas ce que je peux dire d'autre. Maintenant, David s'éloigne de nous. Le voici qui part, encore une fois, sur la route semée d'embûches, à la recherche d'un emploi et de son enfant. Mais la nuit qu'il traverse à présent n'est pas la nuit glacée de la cavale. Celui qui a perdu le chemin et qui le retrouve en lui-même, il n'aura plus besoin de guide. Un jour, David retrouvera Rachel, ou plutôt, c'est elle, l'enfant, qui viendra à lui, je la vois, debout sur le seuil, la lumière sur les épaules. Les années ont passé inégalement sur chacun, mais elle a trouvé la maison. Elle est là. Elle revoit David avec fierté, elle fait un pas dans la pièce, elle le fait. Peut-être ne reconnaît-elle pas le visage qui se pencha sur elle autrefois, mais elle entend la voix, encore inapaisable. La voix qui lui donna son nom sous l'Éternel. Figure standing on a beach, reaching out for the sea that she can surely reach. Dancing on islands, singing on coves, within her head the memory of a rogue. It's not so funny, it's not so sad, but I'm feeling bad about heaven, and I don't know what to do, and I don't know what to do, I don't know what to do. I was walking beside my head, memories of a darkened room, a little bed, seething one day, smiling the next. I realize my problems, a little vexed. It's not so funny, it's not so sad, but you know I'm feeling bad about heaven, and I don't know what to do, and I don't know what to do, and I don't know what to do. No, it seems like I'll always be the same, not good at anything. I can't play games. I will try, though it's hard. You got my message and my calling card. It's not so funny, it's not so sad. Oh, but I'm feeling bad about heaven, and I don't know what to do, and I don't know what to do, and I don't know what to do. What am I gonna do? La Belle, Médiélage, Jean-Pierre Milovanov. Balade avec Jean-Paul, Gérald, Serge et David. Je fuyais le monde, même quand j'étais dans les hôtels. Mais dans la rue, je suivais. Il y a aussi le tu te sens mal. Partout où il y avait trop de monde, j'avais peur. Partout où j'avais trop de monde, j'avais peur. S'il y avait trois personnes ensemble, par exemple, j'évitais de marcher devant. Je changeais de trottoir. Bon, quand je voyais un flic aussi, il y avait le... Alors qu'au fond de moi-même, j'étais persuadé que le flic ne pouvait rien faire contre moi. Mais peut-être vérifier son identité. Hein. Ça aussi, c'est important. Tu sais, toujours de te sauver vis-à-vis des autres. Hein. Et il m'a même, ça j'ai oublié de le dire au début, c'est que quand j'étais dans la chambre d'hôtel, j'arrivais pas à partir le matin. Il fallait que je parte parce que il y avait le problème du ménage, qu'est-ce qu'il fait le monsieur dans la chambre, peut-être on me demande de payer, on me demande si je veux rester plus longtemps. Il y avait toujours la peur, mais quand j'étais tout seul dans la chambre, c'était les meilleurs moments, si tu veux, c'était les meilleurs des moments. Puis il y a des moments, bon, à l'hôtel Nico par exemple, quand je savais que la chambre était payée au début, je suis resté 2 jours et demi sans sortir. Et là, je dois dire, c'était de ma cavale, c'était ces 2 jours et demi, c'était les moments les plus tranquilles que j'ai passés. Dès que j'avais l'occasion, une fois dans cette cavale, bon, c'est toujours cet hôtel Nico, là, où j'ai rencontré avec cette personne qui m'avait invité là. On a été dans une boîte de nuit, je ne peux pas dire le nom, du côté des Champs-Élysées. Bon, même là, j'ai été gêné, si tu veux, parce que y a toujours, tu danses avec quelqu'un pour te poser des questions. On te pose des questions, qu'est-ce que tu fais ? où t'habites. Est-ce que je peux te revoir? Alors même si t'as envie, parce que t'as un lien qui s'est créé avec quelqu'un, tu sais, puis du fond de toi-même, t'as vachement envie de garder ce lien, hein, en pensant à demain ou après-demain, mais tu sais pas où tu vas être demain. Tu sais pas où tu vas être après-demain. Et ça, je crois que c'est important aussi, parce que là, on souffle, tu sais, puis des fois, je parle pas maintenant au point de vue émotionnel, tu sais, mais il y a quelqu'un que t'as envie de revoir, avec qui t'as envie de parler, ou quelqu'un qui te plaît, et puis tu paniques parce que tu sais pas si la personne va... Si tu demandes, donne-moi ton numéro de téléphone, j'ai pas de numéro de téléphone, alors tu dis, appelle-moi à l'hôtel. En sachant pertinemment que le lendemain, tu seras pas à l'hôtel. Et la personne va téléphoner à l'hôtel, on va lui dire, monsieur, les parties sont payées, des choses comme ça. Et ça, c'est dur, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est dur. Magnétique, Georges Vercoutre, Vincent de la Bouglise, Marcel Pagam, Mehdi El Hadj, Jean-Pierre Milovanov. Bonsoir. Saint Louis, Pingan. Demain, suite de la belle, les coups des franches. Baby, what did you try to do? Kiss me, your man, my love, and try to love me too. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 mars 1983. La suite, demain. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.